Alors, comment allez-vous tout le monde? J'espère que tout va bien. C'est la saga des Fab Four numéro 612. Je suis Thierry Gallet. Je suis votre hôte pour la saga des Fab Four jusqu'à 22h. Vous voyez ce que je veux dire? Nous sommes le 9 octobre. Le 9 octobre, eh bien, c'est le jour anniversaire de John Lennon qui aurait eu 84 ans s'il avait continué à vivre. Donc on va le fêter dans la saga et ça va être ce soir la saga du Fab Four, puisque on va proposer tout au long de cette saga et de manière chronologique, il me semble, d'abord John Lennon avec les Beatles et puis John Lennon sans les Beatles. Étant donné que sa carrière ne couvre hélas que 5 ans et un disque, on est obligé de faire un choix et c'est vrai que quand même ce qu'il chante avec les Beatles mérite le coup d'oreille, assurément, parce que si John n'avait pas les facilités musical de Paul, il a quand même des coups de génie que Paul a eu souvent, mais pas toujours, pas pareil en tout cas. Ils étaient complémentaires tous les deux. Pour ceux que ça intéresserait, nous avons écouté les Beatles jusqu'à la chanson numéro 16, c'est-à-dire, oui, à partir de la 17, ce sera John Lennon, John Lennon en solo, et il y aura quand même une reprise et un fils d'eux. Et en fait, ce sont les deux fils de John Lennon. Il y aura dans l'ordre Sean Lennon, qui nous reprendra Isolation avec Ringo Starr à la batterie. Et puis Julian Lennon, qui nous chantera Imagine pour le Global Citizen Stand Up for Ukraine, sorti en 2022. Je vous retrouve sur Facebook, dans le groupe La Saga des Fab Four, et je vous dis à tout de suite pour le début. On va démarrer avec le premier disque des Beatles, Please Please Me, la dernière chanson où John a donné tout ce qu'il avait. Il a essayé de faire une deuxième prise, c'était pas mieux. C'est Twist and Shout. Bonne soirée sur RG. Mettez l'ambiance. Hein. En 1959, Berry Gordy et Jenny Bradford ont écrit une chanson qui a été interprétée à l'origine par Barrett Strong. Cette chanson, c'est Money, That's What I Want. Elle fera partie des concerts des Beatles à de nombreuses occasions. Et la voici chantée sur le deuxième album des Beatles, l'album With the Beatles, toujours en 1963, par John Lennon. I'm a loser. I'm a loser. And I'm not what I appear to be. Of all the love I have won or have lost, there is one love I should never have crossed. She was a girl in a million, my friend. I should have known she would win in the end. I'm a loser, and I lost someone who's near to me. I'm a loser, and I'm not what I appear to be. Although I laugh and I act like a clown, beneath this mask I am wearing a frown. My tears are falling like rain from the sky. Is it for her or myself that I cry? I'm a loser, and I lost someone who's near to me. I'm a loser, and I'm not what I appear to be. Deserve such a fate. I realize I have left it too late. And so it's true, pride comes before a fall. I'm telling you so that you won't lose all. I'm a loser, and I lost someone who's near to me. I'm a loser, and I'm not what I appear to be. I'm a loser, John Lennon et les Beatles en 1964. John Lennon, en tant que compositeur, fut marqué par la découverte de la musique de Bob Dylan en janvier à Paris, grâce à l'album The Free Willing Bob Dylan, qu'un journaliste avait offert à Paul après une interview à la radio. Paul connaissait déjà la musique de Dylan grâce à des amis de Liverpool, mais c'était la première fois que John l'entendait. Lorsqu'ils eurent écouté Free Willing, son deuxième album, ils coururent acheter le premier, Bob Dylan. Et d'après les souvenirs de John, durant le reste des 3 semaines que nous avons passées à Paris, je n'ai plus écouté que cela. Nous avons fait une cure de Dylan. Bien qu'elle fût enregistrée 5 mois plus tard, I'm a Loser était le premier fruit de cette rencontre. Il serait exagéré de prétendre qu'il s'agissait d'un complet changement de direction, car John avait toujours écrit des chansons dans lesquelles il se présentait comme un homme seul, triste et abandonné. Mais il montre un peu plus de lui-même dans I'm a Loser à la première écoute. Il ne s'agit que d'un homme que sa petite amie a quitté. Mais les vers disent « il est triste sous son masque », suggère qu'il se considère comme un perdant sur le plan sentimental, mais également dans toute la vie. Tout cela ne serait qu'une hypothèse gratuite si « I'm a Loser » n'avait été suivi de toute une série d'autres chansons de plus en plus introspectives marquant la carrière de John. À l'époque, John reconnut l'influence que Dylan avait eue sur lui dans « I'm a Loser ». Toute personne qui est un des meilleurs dans son domaine, et c'est évidemment le cas de Dylan, ne peut qu'influencer les autres, déclara-t-il. Et je ne serais pas surpris si nous l'avions influencé d'une quelconque manière. Voilà ce qu'on pouvait dire au sujet de cette très bonne chanson de cette fantastique année 1964. Mais ce n'est pas fini. À l'époque, ils étaient complètement dingues. 2 albums par an, un film en 1964, des tournées évidemment, pas aussi longues que celles de McCartney maintenant, mais quand même. Et ce titre pour leur premier film, A Hard Day's Night, avec le riff qui fait reconnaître la chanson tout de suite, et c'est sur RIG. It's been a hard day's night, and I've been working like a dog. It's been a hard day's night, I should be sleeping like a log. But when I get home to you, I find the things that you do will make me feel give me everything. So why on earth should I moan? 'Cause when I Cette émission, nous avons entendu Twist and Shout sur Please Please Me, Money That's What I Want sur With the Beatles, I'm a Loser sorti de For Sale en 1964, Hard Day's Night la même année sorti de l'album éponyme, Help également de l'album éponyme. Et avant de continuer, avant d'écouter les Beatles et bien et John Lennon, nous allons parler de trois sites qui vont vous aider à tout comprendre sur les Beatles. Il y a le site Maca Club, et Maca Club est dans l'actualité puisqu'il parle beaucoup de Maca, Paul McCartney, qui sera en concert le 4 et 5 décembre à Paris. J'y serai. Et je pense que ça va être génial parce que McCartney a repris Now and Then, ça c'est une superbe idée. Et rêvons, rêvons, si on pouvait voir à Paris dans le show de Bercy, pas Bercy, c'est pas à Bercy, c'est à La Défense,

by a fountain where rocking horse people eat marshmallow pies. Everyone smiles as you drip past the flowers that grow so incredibly high. Newspaper taxis appear on the shore, waiting to take you away. Bang in the back with your head in the clouds and you're gone. Plasticine pauses with looking glass ties. Suddenly someone is there at the turnstile. The girl with kaleidoscope eyes. Lucy in the sky with diamonds. Lucy in the sky. There will be a show tonight on trampoline. The Hendersons will all be there. Later Pablo Bank is there. What a scene. Over men and horses, hoops and garters. Lastly through a hogshead of real fire. In this way Mr. K will challenge the world. Celebrated Mr. K performs his feat on Saturday at Bishopsgate. The Hendersons will dance and sing as Mr. Kite flies through the ring. Don't be late. Mrs. K and H assure the public their production will be second to none. And of course, Henry the Horse dances the wall. K performs his tricks without a sound. And Mr. H will demonstrate 10 somersets he'll undertake on solid ground. Things mean some days in preparation, a splendid time is guaranteed for all. And tonight Mr. Kite is coming the bill. Il y a très longtemps, on disait que John Lennon avait, entre guillemets, régné sur les Beatles de 1962 à 1966, et puis qu'il avait un peu passé la main à Paul McCartney de 67 à 70. Sauf que Il faut mettre des petits bémols, comme à chaque fois qu'on parle de quelque chose sur les Beatles, on peut toujours trouver son contraire. En cette année 1967, il a quand même fait des choses extraordinaires, monsieur John Lennon. Les deux chansons qu'on vient d'entendre, extraits de Sgt. Pepper Lonely Hearts Club Band, et la même année sur Magical Mystery Tour, on a quand même le droit à ça. I Am The Walrus sur RIG 90.7. C'est la radio des Beatles. Éric Gallet, animateur radio, un homme et les Beatles.

you now I know, and it's a dream. I think I know, I mean, yes, but it's all wrong. That is, I think I disagree. Let me take you down, 'cause I'm going to Strawberry Field. Nothing is real, nothing to get hung about. Strawberry feels forever. Strawberry feels forever. Strawberry feels forever. Un an plus tard, on aborde l'album Blanc, 1968, avec une grosse quantité de chansons de chacun qui donnaient un petit peu l'impression de ce que seront leurs carrières séparées. Bien sûr, ils n'en savaient rien pour le moment, mais voici par exemple John Lennon en tant que, pas rocker cette fois-ci, en tant que gentil, tranquille, mignon, tout doux, Julia par exemple, qu'il chante. Half of what I say is meaningless. But I say it just to reach you, Julia. Julia, Julia. Ocean child calls me. So I sing the song of love, Julia. Julia, Julia, Julia.

Et puisque Eric a eu la gentillesse de nous présenter la suite de sur la forme d'un jingle, la suite de cet album blanc, je vais vous dire qu'aujourd'hui, ce soir même, à partir de 22h02-03 peut-être, il y aura une émission live avec dans Johnny de A à Z. Et cette émission, le thème de cette émission, c'est les adaptations en live. Il compte sur vous, parlez-en autour de vous. C'est Johnny de A à Z et c'est tout à l'heure, dès 22h. Merci à tous et à toutes. Shoot. À l'origine, il disait shoot me. Décidément. L'anniversaire de John en lui rendant hommage au travers des Beatles et après dans sa carrière solo sur RIG 90.7, c'est la radio des Beatles ce soir, encore plus. Words are flowing out like endless rain into a paper cup. They slither wildly as they slip away across the universe. Pools of sorrow, waves of joy are drifting through my opened mind, possessing and caressing me. Terminons ici la période Beatles de John Lennon et commençons sa carrière solo encore en 1969 avec cette chanson Give Peace a Chance, la première chanson officielle produite de la carrière solo de John Lennon, sortie en juillet 1969. Elle a été écrite par John Lennon, forcément, mais elle a été créditée à l'origine Lennon-McCartney. Ce sera la dernière fois que John Lennon écrira Lennon-McCartney ensuite. Il écrira Lennon tout court et même quelquefois, après sa mort, ce sera crédité Lennon Ono. Bon, je ne vais pas plus loin. Elle est enregistrée le 1er juin 69 dans une suite de l'hôtel Reine Elisabeth de Montréal, dans le cadre du second bed-in du fondateur des Beatles et de sa nouvelle épouse Yoko Ono, militant pour la paix dans le monde, entouré de nombreux participants, célèbres ou anonymes. Dans cette chanson, Lennon invite simplement à donner une chance à la paix, dans le contexte entre autres de la guerre du Vietnam. Il s'agit donc d'un hymne à la paix. Les couplets ne possèdent pas de vers véritables, mais sont simplement des suites de mots ou de noms avec quelques touches d'humour. Le refrain répété en chœur tel un mantra est « All we are saying is give peace a chance ». Tout ce que nous disons, c'est donner une chance à la paix. John Lennon est accompagné de Timothy Smother à la guitare sèche, et Yoko Ono. Et les visiteurs également dans la chambre qui deviennent des choristes et s'accompagnent avec des claquements de mains. Ce happening fait partie de la campagne pacifiste qui a marqué la dissidence de John, dissidence politique et l'activisme anti-guerre opéré avec ses proches. Les deux bédines où des artistes et des représentants des médias sont invités. Grandes affiches dans la rue, inserts dans les journaux, avec le slogan « War is over if you want it ». Une opération assez frais. Le slogan, c'était « La guerre est finie, si vous le voulez ». Voici la chanson. Two, one, two, three, four. We'll be right back. Il est temps maintenant de faire intervenir les deux fils, et pour des raisons de temporalité, puisque le premier chante Isolation, le second Imagine, je les ai mis dans l'ordre inverse, c'est-à-dire j'ai mis Sean Lennon d'abord et Julian Lennon ensuite. Voici les deux chansons. D'abord, Isolation, sorti en, je reprends mes notes, sorti en 2024, donc il y a fort peu de temps, et avec Ringo Starr à la batterie quand même, l'air de rien. Puis Imagine, sorti sur Global Citizen Stand Up for Ukraine en 2022. Les deux fils de John, Sean, et plus tard, Monsieur Julian. Profiter pour souhaiter un bon anniversaire à Sean, une chance sur 365 ou 366 quand même, il est né le même jour que John Lennon, pas la même année forcément. Too. Amen. by which we measure our pain. McCartney avait doublé John Lennon lorsqu'il a sorti son premier album solo, appelé McCartney. Il a mis une fausse interview faite par lui-même, en fait, dans laquelle, à un moment donné, il dit « Est-ce que vous allez rejouer avec les Beatles ?» Et il se fait répondre « Non ». Donc, John Lennon, qui en a voulu à Paul, a dit « Je vais, moi, marquer l'épitaphe des Beatles. » Et il a fait cette chanson « God » dans laquelle il dit « Je ne crois plus à... » Il cite tout ce en quoi il a cru, les dieux, les Beatles. Non, pas les Beatles, il le cite qu'à la fin. Bob Dylan, etc., etc. Et à la fin, « Je ne crois plus aux Beatles, le rêve est terminé. Maintenant, il ne reste plus que la réalité. » C'est une très, très belle chanson. On va sauter l'année 1972, où il y a assez peu de chansons très intéressantes sur cet album-là, pour aller directement en 1973. Et cette chanson, « Mind Games », qui s'appelait au départ « Make Love, Not War », voilà. Et puis c'est dit à la fin que c'était un petit peu exagéré parce que il avait souvent dit ce genre de trucs. On rend hommage à John Lennon ce soir dans la saga des Fab Four numéro 612 jusqu'à 22h. Peut-être 2-3 minutes, c'est possible. Nobody loves you when you're down and out. Nobody sees you when you're on cloud nine. Everybody's hustling for a buck and a dime. I'll scratch your back and you scratch mine. I've been across to the other side. I've shown you everything, I got nothing to hide. But still you ask me, do I love you? What it is, what it is. All I can tell you is, it's all showbiz. All I can tell you is, it's all showbiz. What it is. What it is, what it is, what it is. Nobody loves you when you're down and out. Nobody knows you when you're on cloud nine. Everybody's hustling for a buck and a dime. I'll scratch your back. Mine. I've been across the water now so many times. I've seen the one-eyed witch doctor leading the blind. But still you ask me, do I love you? What you say, what you say. Every time I put my finger on it, every time I put my finger on it, it slips away. Ceux qui connaissent bien John Lennon savent que ce n'est pas la version de l'album Walls and Bridges, mais c'est la version du John Lennon anthologie. Dénudée, on va dire. Elle est vraiment très très belle. extrait des mêmes sessions, mais paru 11 ans plus tard sur l'album Men Love Avenue. Voici Rock and Roll People, John Lennon sur RIG dans cette spéciale John Lennon. En 1980, après 5 ans de silence, John revient pour un double CD, enfin un CD avec deux personnes, lui et Yoko. Alors les chansons de Yoko, on peut les mettre de côté, grâce au CD on peut le faire maintenant, mais les chansons qu'il reste de John sont vraiment très très bonnes. En voici la preuve, Clean Up Time, et juste après ce sera Woman sur RIG. Queen is in the counting house. running out of money. The king is in the kitchen, making bread and honey. No friends and yet no enemies. Absolutely free. No rats aboard the magic ship of perfect harmony. Il espérait avoir encore beaucoup d'années devant lui, ce pauvre John. Hélas, les choses en ont décidé autrement. Je vais dédier la prochaine chanson, la plus belle chanson d'amour de John, pour Alexandra, s'il vous plaît. Libre à vous de la dédier à qui vous voulez. Woman, extrait de l'album Double Fantasy sur RG. Woman, t'aime maintenant et pour toujours. C'est ce que dit John Lennon dans cette chanson. Et on ne pouvait pas terminer avant de passer le relais à Eric pour sa superbe émission Johnny de A à Z. On ne pouvait pas s'empêcher de se rappeler 1995, Free as a Bird. Souvenez-vous de cette époque, la larme à l'œil. Ah, fabuleux. John Lennon avec un peu d'aide de ses copains. Les Beatles revenaient à la charge avec un autre titre, Real Love. Le troisième titre restera dans les casiers jusqu'en 2023. C'est George Harrison qui ne voulait pas en entendre parler. Il estimait que le résultat n'était pas bon. We'll be right back. Merci Eric d'avoir bien voulu me laisser un petit peu plus de temps pour le dernier titre, celui que George Harrison avait refusé, mais qui finalement, grâce au progrès technique, a vu le jour en 2023. Now and Then, c'est le dernier titre de la saga des Fab Four numéro 612, spécial John Lennon. Merci, grand merci à Eric de m'avoir accordé un peu plus encore de temps que d'habitude. Je vous donne rendez-vous la prochaine fois pour une autre émission. Eric, tu coupes quand tu veux. Merci à toutes et à tous. C'était Thierry Gallet pour la saga des Fab Four spéciale John Lennon. La prochaine fois. Salut. No! Raoul.